des enculés. Des fascistes à l'Elysée, ça me donne envie de gerber. Sarkozy et Sarkozy, tu n'aimes pas mon rock'n'roll. Sarkozy, tu n'aimes pas mon rock'n'roll.